je pense que comme beaucoup de gens qui sont dans les studios ici, moi je l'ai découvert à la bûche. C'était genre. Exactement, ouais, c'était les bras en l'air, c'était. Piste centrale, milieu des années 90, wow. Les lasers, les grands écrans. Arrête, ça nous vieillit trop. On prend un coup de vieux, les lasers, bref, bon, plein de trucs. Moi ça me rappelle la bûche. Ah, les bras en l'air, moi je me vois les bras en l'air comme ça. Tu sais, quand on arrivait à l'entrée de la bûche, on entendait. Tu sais, t'étais encore sur le parking. Ouais, mais c'était les tuiles en fait. Ah, hein. Ouais. Ah putain, et quand tu rentrais dans la fontaine, après hop, tu rentrais dans et la salle. Tu terminais avec le rond-top à la fontaine, c'était. Ah là là là là là là là là là là. On retrouve la même ambiance au Pulse Factory. Exactement. Pas de regret, c'est la même chose. Exactement. Le même DJ, la même ambiance et les mêmes gens. Bon, un petit dernier mot concernant After Club. Un petit clin d'œil à tous les membres. Je voudrais faire un petit clin d'œil à tous les membres d'afterclub.be. Donc, qui nous écoutent, il y en a énormément, au moins 15 000. Je pense que. Ah, je te crois sur parole. Non, et je fixe rendez-vous. Vous à tout le monde le 19 avril pour les 5 ans, la première soirée des 5 ans d'After Club. Qu'est-ce qu'il dit, c'est en fait. Non, et je voulais dire quelque chose. Il va faire très chaud le 19 avril, donc on va mettre air conditionné de Julian Jewell. Ah bah ça tombe bien, plus il sera au platine. Et ce sera la folie. Ah ouais. Et si tu peux même avoir un petit autographe de Julian Jewell entre deux mix, bon, moi je veux bien. Mais ça se monnaie si tu veux, ça se monnaie. Il y a pas de problème si tu veux. Il peut venir à Galaxy après son mix. Burger, je t'offre un petit Mickey Burger là comme ça. Si tu veux, il peut venir à Galaxy après son mix. Aucun problème en After, il y a aucun. Pourquoi pas. Bon, un clin d'œil, un petit merci à tous les membres d'After Club. Bon, il y a plein de bonnes choses sur After Club. Du exactement. Mix, les infos. Je souhaite à tout le monde de faire une petite visite. Voilà. Et on peut t'envoyer. Et on peut t'envoyer un petit message privé. Alors, il faut pas saturer. 6000 membres, allez, un petit message. Les 6000 membres d'After Club, un message privé à Jeff. C'est bon comme ça. On va quand même sauter. Bon courage à Cédric, qui est vraiment très stressé. Et il va tout faire péter. Il va tout faire comme on dit dans le Nord. Je suis chaud. Sac de din. Il est chaud. Il va s'inquiéter d'un. Bon, et Cédric, il sera pas tout seul puisqu'il y a Dust qui vient d'arriver. Ouais, il y a Dust pas mal de public derrière lui. Donc... Allez, viens dire bonjour, Dust. Il est à côté de moi. Ouais, pleine forme, tout va bien, nickel. Et Dust, tu sais à qui on va dire bonjour là? Ouais. À qui? À Jeff, à Kimbo et à toute l'équipe de Sound System. Bah voilà, à tous les membres aussi du site. Eh, hey, j'ai aussi mon petit site Sound System. C'est vrai? Donc j'ai mon petit noyau dur de membres. Dust en fait partie. Il y a aussi tous ceux qui nous écoutent sur Internet qui sont aussi en doublon sur ton site. Hein. Bah qui rejoignent tous les sites. Voilà, hein, voilà. Et qu'on crée une communauté. Y a pas de soucis. Et on en remercie à tout particulier à l'ami Jeff, le fou furieux des vidéos, parce que quand vous retrouvez une vidéo sur Galaxy, sur Internet de Galaxy, c'est souvent Jeff qui est derrière, qui a filmé tout ça. Il passe des heures et des heures. Je sais pas, il doit avoir greffé une caméra sur sa tête, un disque dur dans le corps, je sais pas. C'est le fou furieux des vidéos. Il y a Kimbo, bref, il y a plein de monde. Dust, tu mixes quoi aujourd'hui? Rétro, électro, tu rétro? Quel style de rétro? Rétro? Non, trop. Trans. Rétro, allez, rétro. Rétro. Bon, ben, rendez-vous avec Dust dans une heure et des poussières, le temps que Cédric chauffe bien les platines en apéritif. Et puis, merci Jeff, merci à tout le monde. C'est comme vous voulez. Voilà, jolie émission aujourd'hui. Il y avait plein de monde dans les studios. Je laisse la place donc à Cédric pour près de 4 heures de versus avec Dust. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. 4 heures au moins jusque. T'es là jusque 16 heures au moins, Dust. Moi, je suis là jusque 16 heures. Ah, d'accord. Lui, il mixe une heure et demie et toi, tu mixes 2h30. Et 1h30 plus 2h30, ça fait 4h pile poil. Jusque 16h avec Dust, après il y aura Oukos, bon bref, toute l'équipe de Galaxy. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Sound System entre 10h et midi. Et d'ici là, on me retrouve sur internet www.soundsystem-mix.fr et aussi du côté d'After Club là-bas, www.afterclub.be. Merci Jeff, merci à tous. Tout de suite, c'est Cédric, c'est parti.